France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le procès des Bachrum. Nous sommes au printemps 77, au cœur des années 70. Les années comme les décennies précédentes, du saccage de la planète, du harcèlement sexuel, de l'apologie de la pédocriminalité, des viols impunis, du racisme ordinaire et de l'homophobie. C'est donc au cœur de cette époque-là que la police fait une descente au Manhattan, à un bar gay de la capitale. Arrestations, menottes, sirènes, dépositions quai des orfèvres, tout y est. Pourquoi ? Pour flagrant délit d'outrage public à la pudeur. Pourtant, les hommes mis en accusation sont tous majeurs et consentants. En outre, ils ne montrent leurs ébats à personne, ils ne choquent pas, bref, ils sont blancs comme neige, mais l'accusation est maintenue. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce type de procès est monnaie courante dans la France des années gaullistes et des années 70. À la clé, des condamnations à des amendes ou même à des peines de prison. Une pression sociale qui engendre également des drames jusqu'au sein des familles lorsque ce ne sont pas des suicides. Voilà, tels sont les ravages d'une époque où l'homophobie était bruit de fond, ostracisme ordinaire. Notre invité aujourd'hui, le sociologue Antoine Idier, co-auteur avec Philippe Pochep du livre « Résistance queer » qui vient de paraître aux éditions La Découverte et Delcourt. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Fred Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Paris, 26 mai 1977. L'homme qui sort du train en provenance de Lyon est un homme heureux. Il s'appelle Michel Chomara. Il est jeune et il officie comme chef de publicité à Roanne. Ce jour-là, à Paris, la météo est clémente et le week-end s'annonce festif. Bon, il y a ce salon de la communication pour lequel il a fait le déplacement, le boulot quoi. Mais surtout, il y a les clubs où il a prévu de se rendre. Alors, lequel choisir ? Il y en a tellement dans la capitale. Surtout rive droite, dans le quartier de la rue Sainte-Anne. Bien sûr, l'idéal serait de passer la soirée au 7. Du restaurant, on entend la musique qui provient de l'étage inférieur, où les murs sont recouverts de miroirs, de néons multicolores, et où l'on peut se regarder danser. C'est tellement disco ! Comme en témoigne le disque-jockey Guy Cuevas, en compagnie de la chanteuse Dani. Cette musique correspondait à une insouciance complète, une insouciance de tout, que même si les gens n'avaient pas d'argent, mais ils s'en foutaient du lendemain, ils étaient là jusqu'à 4h du matin. C'était un des premiers endroits où il y avait qu'on appelle un disque jockey, qui faisait pas forcément avec les tubes du moment, avec des choses anciennes, des choses un peu, entre guillemets, un petit peu ringardes. Ce mélange là comme ça, tout ce qui me vient à la tête là, c'était la liberté, l'abandon aussi. Mais la sélection à l'entrée du set est drastique et les prix dissuasifs. Seuls les stars comme Iggy Pop, Yves Saint Laurent ou Grace Jones s'y rendent régulièrement. Sinon, un peu plus loin dans la rue, il y a le Bronx. C'est le premier bar gay interdit aux filles qui diffuse, comme à New York, des vidéos porno et qui propose une backroom où l'on peut s'ébattre. Cool. Côté déco, au revoir le style glam, bonjour l'ambiance garage, pour le moins viriliste. Moins cool. Pourtant, c'est rive gauche, dans le quartier de Maubert Mutualite, que le jeune homme décide de se rendre. Rue des Anglais, pour être précis. C'est une rue étroite, d'apparence médiévale, et qui garde au numéro 8 le souvenir du cabaret Le Père Lunette, où au 19e siècle dansaient les poètes et les communards. Un endroit surveillé de près par la police de sûreté qui avait à l'œil cet endroit malfamé. Déjà, les agents opéraient en civil. Eh bien, 100 ans plus tard, et les fêtards le savent, c'est toujours en civil que la brigade demeure officie. Sauf que cette fois, c'est le numéro 4 de la rue qu'il surveille. L'endroit se nomme Manhattan. Au rez-de-chaussée, il propose un bar et au sous-sol, un backroom. Le seul endroit possible pour rencontrer des hommes en toute liberté et laisser son corps exulter. Une démarche impossible dans les boîtes de nuit classiques, tant les homosexuels sont conspués, comme le raconte l'académicien Dominique Fernandez en 1982, au micro de Jacques Chancel. Vous savez, à l'époque de ma jeunesse, on ne parlait jamais, ni dans les médias, ni avec les copains, ni au lycée. On était un paria, mais total. Mais vous étiez seul comme ça dans votre cas ? Je pense que chacun était seul, on n'osait pas en parler, le mot n'apparaissait pas. Vous savez, c'est jusqu'à 68, c'est 68 qui a marqué vraiment le tournant de ça. On était On était vraiment en dehors de la société, condamnés à la clandestinité, à la honte, c'était atroce. Oui, parce que c'était tabou. Pour les familles aussi, c'était tabou. Depuis des générations, les parents répètent à leur rejeton que l'homosexualité n'est pas une pratique normale, voire un vice, un truc contre nature. On pense alors aux écrits du Marquis de Sade. Et on imagine qu'être homosexuel, c'est être sadique ou pédocriminel. On amalgame. En conséquence, l'heure des révélations sonne souvent comme un drame. Comme le confie cette mère de famille en 1973. Quand est-ce que vous avez su qu'il était homosexuel? Eh bien, mon Dieu, il y a 4 ans, bien sûr. Oui, il y a bien 4 ans. Un jour qu'il m'a invité chez lui, et enfin, on avait passé une bonne journée, puis tout d'un coup, il m'a dit, maman, j'ai t'avoué quelque chose, je suis attirée par les hommes. Ça m'a fait un effet foudroyant, je suis partie en claquant la porte, j'ai dit ce que je pensais, qui n'était pas très gentil, mais enfin, j'ai dit ce que je pensais, puis je suis partie. C'était incompréhensible. Moi, je pensais que j'étais pas loin de penser que c'était un monstre, que c'était quelque chose d'épouvantable, que c'était un vice. Et je suis partie tout ensanglantant, que je ne pouvais plus me retenir. Je suis repartie chez moi. Puis alors, il est venu me retrouver. Par la suite, j'ai eu beaucoup de mal à admettre cette chose-là. D'autant que d'un point de vue juridique, rien n'a bougé depuis Bonaparte. L'appellation de crime pour sodomie a simplement été remplacée par outrage public à la pudeur. Et c'est ainsi que la répression opère et que de milliers d'arrestations de pédérastes, comme on disait alors, appréciez le mot, ont lieu en France comme dans la capitale. La police quadrille les quartiers et rédige des centaines de rapports. Comprenez bien qu'il s'agit là de combattre des pratiques immorales. Ajoutez à cela la pression catholique, encore influente à cette époque, et vous avez l'ambiance. Ce n'est donc pas un hasard si en 1942, le gouvernement de Vichy, profondément chrétien, décide de combattre, je le cite, « les pratiques homosexuelles susceptibles de corrompre la jeunesse et de porter atteinte à la natalité ». Pour les demi-cerveaux de Vichy, on ne devient homosexuel que si l'on est perverti par un climat laxiste, de type SFIO, je cite, ou entraîné dans une rencontre malsaine. C'est dans cette logique que se fonde la réforme qui fixe la majorité sexuelle de 13 à 21 ans pour les homosexuels et uniquement pour eux. Nous, maréchal de France, chef de l'État français, le Conseil des ministres entendu, décrétons, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 200 à 60 000 francs. Quiconque aura, soit pour satisfaire les passions d'autrui, exciter, favoriser ou faciliter la débauche ou la corruption de la jeunesse, de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 21 ans, soit pour satisfaire ses propres passions, commis un ou plusieurs actes impudiques ou contre nature avec un mineur de son sexe âgé de moins de 21 ans. Le présent décret sera publié au Journal officiel de l'État français, inséré au Journal officiel de l'Algérie et exécuté comme loi de l'État. Fait à Vichy le 6 août 1942. Signé Philippe Pétain. Cet article est maintenu à la Libération. Au nom du général de Gaulle, le ministre de la Justice, François de Menton, dit agir dans le souci de prévenir la corruption des mineurs. Encore. C'est surtout qu'il est bien pratique d'associer l'homosexualité à l'idée de déviance, de trahison et même de collaboration. D'autant qu'il faut faire avec un souci démographique de taille. La France a besoin de 12 millions de beaux bébés, tonne le général. Ajoutant même, devant l'Assemblée consultative provisoire du 2 mars 1945, ne manquons pas d'affirmer que le changement des mœurs peut, d'une manière durable, faire que la fécondité règne à nouveau dans la famille française et n'est concevable qu'avec une réforme profonde de l'éducation. Une réforme qui n'ira pas dans le sens favorable aux homosexuels, évidemment. En 1948, une ordonnance préfectorale interdit même aux hommes de danser ensemble. Alors pour la contourner, il faut prendre le train à Saint-Lazare, le dimanche, le train dit des folles, appréciez la formule, pour aller s'amuser à la guinguette de la Chevrière, en région parisienne. Autre possibilité, rejoindre le club fondé en 1958 par André Baudry, un ancien séminariste et professeur de philosophie. Le nom de ce club, Arcadie, qui renvoie à une région de la Grèce antique, le genre de vie qui en France fait figure d'utopie. Profondément légaliste, André Baudry n'aime pas ruer dans les brancards. Donc, ici, ni AG ni manif, mais une discrète politique de lobbying sociétal avec l'envoi régulier de sa revue aux hommes politiques, aux évêques et aux journalistes. une revue littéraire mensuelle dont le premier numéro est dessiné par Jean Cocteau, en personne. Voilà qui est très chic. C'est ainsi que Baudry parvient à obtenir l'autorisation exceptionnelle d'ouvrir un lieu de rencontre chaque dimanche dans un ancien cinéma situé rue du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement. Ses adhérents peuvent y boire un verre, écouter des conférences et parfois même danser. Alors, y pense-t-il notre jeune homme de 29 ans, Michel, lorsqu'il se rend au bar le Manhattan en ce 26 mai 1977 ? Pas sûr. Dans les années 70, l'idée du dancing paraît déjà désuète. Les jeunes ont besoin d'aller plus loin, plus fort, car ils sont en colère. En juillet 60, le député de Moselle, Paul Mirguet, fait passer en effet une ordonnance dans laquelle l'homosexualité est qualifiée de fléau social au même titre que l'alcoolisme et la prostitution. Le nombre de condamnations est alors à son apogée. Dès lors, comment faire ? Eh bien, se cacher ou consulter, comme le préconise en 1975 ce médecin de Dijon au micro de FR3. Lorsqu'un adolescent manifeste des tendances homosexuelles, quel devrait être le comportement des parents ? C'est une expérience homosexuelle de passage transitoire et qui n'a pas de lendemain. Si elle se poursuit, si les parents sont inquiets, je crois que le mieux à ce moment-là, c'est effectivement de consulter. Consulter ? Et quoi ? S'entendre dire qu'il s'agit là d'une déviance et prendre des médicaments ? Cacher sa nature profonde et se marier de force ? Un destin dramatique. Chacun de ces hommes concernés est envahi par la crainte d'être perçu comme un raté, un inadapté. La honte de la famille même. Certains parents évitent même d'inviter cet oncle étrange, par exemple, pour le repas du dimanche, car, comprenez, ce ne serait pas correct avec les enfants. Une vision provinciale, gaulliste, loin des effluves de mai 68. Pas seulement, comme en témoigne ce micro-trottoir réalisé dans les années 70 à Paris. C'est une vraie maladie, je suis étranger. C'est une vraie maladie, il faut tenir à l'agir. Et c'est ça. Pourquoi ? Parce que c'est un fou, parce que c'est la maladie, c'est la... Qu'est-ce que... Je veux dire que ça, je considère comme les maladies... Comme les fous, quoi. Comme les fous, non, c'est vrai fou, c'est pas comme les fous, c'est vrai fou. Il y a deux sortes d'homosexuels, il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent, alors c'est déjà deux choses différentes. Ils sont comme ils sont, c'est tout. Vous les comprenez, vous les admettez. Absolument, oui, j'ai des amis qui sont comme ça, et je les aime beaucoup. Et même, je vais vous dire, ils sont beaucoup plus aimables certaines fois que les autres hommes comprennent beaucoup mieux certains problèmes et j'aime bien être à leur compagnie. Comment jugez-vous les hommes qui aiment les hommes ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas normal, c'est un vice, quoi. Un vice, un chemin de croix, surtout. Démasqués, certains hommes perdent leur emploi, d'autres rasent les murs et pensent au suicide. La plupart misent alors sur une double vie en allant parfois faire un tour dans les pissotières. Des années plus tard, l'un d'eux le confiera au journal Le Monde dans ces termes. Les pissotières, je n'aimais pas ça. Et en plus, on pouvait tomber sur des truqueurs, c'est-à-dire des gens qui traînaient là pour casser du PD ou leur soutirer de l'argent. C'était dangereux d'être homosexuel. En province, on nous voyait comme des délinquants. Et alors, impossible d'aller se plaindre à la police parce qu'elle nous répondait « Écoutez, vous l'avez bien cherché, hein ?» Et jour après jour, il faut vivre avec le risque de se retrouver en prison. Dans le meilleur des cas, bien sûr, ce sera une simple amende entre 1 000 et 15 000 francs tout de même, avec de surcroît inscription au casier judiciaire, accompagnée parfois d'un encart dans le journal local, autant dire un suicide social. Voilà pourquoi, ce 26 mai 1977, Michel est heureux de monter à la capitale, loin de sa région natale, et de se cacher au bar du Manhattan. Alors le voilà qui passe l'entrée, puis qui descend dans les backrooms. Mais se doute-t-il que ce moment va changer sa vie ? Pas le moindre du monde. Ici, on est dans la ville lumière, à Paris. Alors oui, il descend. Et ne compte plus que la joie de la rencontre et le bonheur de tout oublier. Mais un instant seulement. Car la réalité va vite le rattraper. le procès des Bachroom. France Inter, affaires sensibles. Bah, une Manhattan, comme on dit aujourd'hui, c'était une boîte de cul. Moi, bon, j'allais tout de suite dans les backrooms. Hein. J'allais pas siroter un Vichy fraise au rez-de-chaussée. Je descendais tout de suite. Donc déjà, c'était en pleine action, quoi. Il suffisait de se lancer là-dedans avec une musique bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon. C'est un moment avec du poppers. On est ailleurs. On oublie tout. Et d'un seul coup, police. D'un seul coup, police. On a vu en effet des gens qui sont qui ont déclaré leur fonction de policier, carte police à la main, alors qu'ils étaient aussi à poil que nous. C'était d'une confusion mais totale. Ce témoignage, c'est Michel Chomara lui-même qui le livre en août 2022 au micro de France Info. 45 ans après, il se souvient de tout. L'ambiance, la sidération, la trouille. Dans les faits. Peu avant son arrivée au Manhattan, la brigade des stupéfiants et du proxénétisme est informée que le club reçoit, je cite, « des individus se livrant à des ébats sexuels collectifs ». Une délation, quelle aubaine. Alors va pour la descente de flics en civil. C'est même tout le gratin qui se déplace. En jean et blouson de cuir, voilà les inspecteurs accompagnés de leur commissaire divisionnaire qui passent l'entrée et qui, à leur tour, descendent l'escalier. Puis qui soudain pointent leur carte de police vers les clients de la backroom en criant. La suite, c'est Michel, toujours, qui la raconte. J'en ai pas large. Hein. C'est un week-end professionnel. Et moi, je n'avais pas perdu mon emploi. Et on nous a transférés au Quai des Orfèvres en procédure en flagrant délit. On nous a mis les menottes. Alors après, il y a eu l'interrogatoire. C'est extraordinaire. Vraiment, le cliché absolu avec la machine à écrire. Michel Chomara vient de basculer dans un film noir. Face à lui, les policiers tapent les PV et inscrivent le nom des accusés sur un registre. Les deux gérants de l'établissement y figurent en tête de liste. Puis viennent les clients. José, Philippe, Jean et les autres. Ils sont cadres commerciaux, employés de banque, maîtres nageurs ou cuisiniers. Et tous ont peur, car ils sont accusés de flagrant délit d'outrage public à la pudeur. Michel découvre ainsi que la juridiction s'applique également à Paris et qu'elle dessine une homophobie d'État. Au 36 quai des Orfèvres, la garde à vue dure la nuit entière. Or, à sa grande surprise, le milieu associatif qui a été informé de cette rafle, pour reprendre son expression, le prend immédiatement en charge et lui fournit un avocat. Bien, mais qui sont ces hommes qui viennent à son secours ? Ce sont les membres depuis 1974 du GLH, le groupe de libération des homosexuels. Certains sont de simples militants, d'autres évoluent dans le milieu intellectuel. On y croise Jean-Paul Montanari, qui prendra la direction du festival de Montpellier Danse, mais aussi l'historien Jean Lebitou, journaliste à Libé, qui va fonder la revue Guépier. Ces deux-là se sont rencontrés dans le sillage de mai 68 et ont fait sécession avec la gauche prolétarienne pour qui le combat des homosexuels n'est pas une priorité. Alors, en 1971, ils créent leur mouvement, le FHAR, F-H-A-R, ou Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui tient ses assises dans un préfabriqué de l'École des Beaux-Arts. Tous ont en tête ce soulèvement survenu l'année précédente, outre-Atlantique. 5 nuits d'affrontement à New York, dans le quartier de Greenwich Village. Une révolte comme un marqueur pour l'histoire, qui prend pour nom Stonewall. Gay Pride, Gay Liberation, traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. Soyons fiers d'en être, homosexuels. Ces hommes, ces femmes qui manifestent devant des passants un peu interloqués sous la protection de la police avec un drapeau américain se proclament eux-mêmes pédérastes et lesbiennes. Leur mouvement de libération des homosexuels en Amérique. Cette manifestation se déroule à New York, ville où l'on en a vu d'autres. Diffusé en juin 70 sur la RTF, le ton du journaliste est dubitatif. Pourtant, ça fait des années que la cause homosexuelle s'est invitée dans l'espace médiatique pour combattre les injustices. Sur RTL, le 10 mars 1971, l'émission de Ménie Grégoire, diffusée en direct et en public dans la salle Pleyel, a pour titre l'homosexualité, ce douloureux problème. Appréciez le sommaire. Aux côtés de l'animatrice, un psychologue, un psychanalyste et un prêtre. Ménie Grégoire ne le sait pas encore, mais dans la salle, des militants homosexuels, hommes et femmes, ne vont pas tarder à intervenir et lui faire comprendre que le douloureux problème, il se peut bien que ce soit elle. Imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Eh bien, je ne sais pas, nous serions très vite par produit, enfin. Enfin, je sais pas, il y a tout de même là quelque chose, il y a une norme de vie. Il y a tout de même une négation de la vie et des lois de la vie dans l'homosexualité. Je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. À vous la salle. On sait maintenant parfaitement que tout individu est bisexuel, qu'il n'y a pas de détermination sexuelle autre que sociale. L'individu, permettez une seconde. La seule question on n'entend plus rien, Claudia, arrêtez, on n'entend plus rien. Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème religieux. Je voudrais que le père Guinchat, au fond, qu'est-ce que font les prêtres devant un homosexuel? Moi, j'accueille beaucoup d'homosexuels qui viennent parler de leur souffrance. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible. Ne parlez plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la poule a envahi la tribune et que des homosexuels... Liberté ! Oui, les homosexuels sont en colère. Une colère qui s'exprime à chaque occasion. Comme dans les cortèges du 1er mai avec ce slogan « Prolétaires de tous les pays, caressez-vous ». Appréciez l'humour. C'est vrai, pour la plupart des adhérents, le progrès passe par le sourire. Mais il passe aussi par la déconstruction. C'est pourquoi la cofondatrice du MLF et du Phare, Françoise Daubonne, déclare « Vous dites que la société doit intégrer les homosexuels. Moi, je pense que les homosexuels doivent aussi désintégrer la société. » Mais ce désir de désintégration, voire d'anarchie, n'est pas sans risque, évidemment. C'est-à-dire qu'aux âgés des Beaux-Arts, on réfléchit plus avec son corps qu'avec son esprit. Alors, au printemps 73, le Phare finit par s'autodissoudre. Et les femmes fondent leur propre mouvement, qu'elles nomment les Gouines Rouges. Un slogan qui annonce la couleur. Le Phare, toutefois, a laissé l'empreinte forte. Et certains militants ne baissent pas les bras. Ils fondent le GLH, Groupe de Libération Homosexuelle, celui-là même qui, en mai 77, est venu en aide à Michel Chomara. Soutien moral, avocat, mais aussi réseau médiatique. Voilà pourquoi les journalistes sont nombreux à assister au procès du Manhattan à la 10e chambre correctionnelle de Paris. Michel Chomara raconte. Je suis assigné à comparaître avec mes co-accusés, ce coup-là, au tribunal de grande instance, le grand tribunal de Paris. J'hallucine, il y avait un monde fou de partout, tout le monde distribuait des tracts. Oui, le président, la cour, ils sont énervés de voir tout ce monde, ce battage, énormément de presse. Il y avait je sais pas combien de journalistes. Hein. La revue de presse sur cette affaire, elle est hallucinante. Hein. Alors, ce qu'on appelle maintenant l'affaire du Manhattan, je veux dire, est un repère dans l'histoire des luttes homosexuelles en France. Le 4 octobre 1978, le journal Libération titre « Procès de Backroom, une pierre rose dans l'histoire gay ». Précisant, pour la première fois, des personnes accusées d'outrage public à la pudeur sur personnes du même sexe comparaissaient hier en correctionnel et sans complexe, en tout cas sans nier leur homosexualité, avec la ferme intention de placer ailleurs le débat. Et pour la première fois, la honte change de camp, car les accusés assument. N'étaient-ils pas entre adultes majeurs et consentants, et dans une cave, de surcroît, cachés des regards, alors où est l'outrage ? N'y a-t-il pas une démarche très contestable, par ailleurs, des policiers de se faire passer eux aussi pour des homosexuels ? À la barre, l'inspecteur Duval, spécialisé dans l'outrage public, le reconnaît. Oui, c'est bien lui qui est descendu dans la backroom, à la tête de son groupe, comme il dit. Et oui, tous se sont fait passer pour des gays, avec, je cite, « une tenue vestimentaire semblable à celle des clients de l'établissement ». Ils ont braqué un projecteur sur les consommateurs, placé un cordon pour les empêcher de s'enfuir et les ont menés, menottés, jusqu'au quart de police. 11 inculpés, dont un homme marié, c'est ce qu'on appelle une affaire rondement menée. Mais pourquoi le Manhattan ? Pourquoi ce club n'est pas l'un de ceux qui peuplent la rive droite ? C'est que, vous comprenez, certains tenanciers nous signalent opportunément des brebis galeuses de la profession, répond la police. Il se trouve que la concurrence s'agace, que le Manhattan propose des bières à 20 francs au lieu de 50 et casse le marché. Et tant pis, si les consommateurs finissent dans le panier à salade. concurrence déloyale entre patrons de bar, procédés douteux. Le procès peu à peu dérive et s'éloigne des accusés. Puis on appelle à la barre le journaliste Pierre Hahn, qui revient sur un point crucial. Les policiers ont créé eux-mêmes le délit en descendant dans la cave. Et soudain, l'accusation paraît fallacieuse et le procès absurde. D'autant qu'il rappelle que le 28 juin précédent, soit 3 mois avant le procès, le Sénat a voté un amendement visant à abroger l'alinéa 2 de l'article 330, celui qui aggrave les peines infligées si l'acte commis concerne 2 personnes du même sexe. Une proposition exprimée en ces termes par le sénateur de gauche Henri Caillavé dans Le Monde. J'ai voulu supprimer une anomalie qui portait atteinte aux libertés. En tant que président de l'Association des libertés, on s'est adressé à moi. Et depuis le dépôt de la proposition, j'ai reçu de nombreux témoignages de sympathie de la part de personnalités du monde de la politique et du spectacle. Je suis à peu près sûr que la proposition aboutira. Henri Caillavé, même présent comme témoin pour aider les accusés au procès. C'est ici un procès de rupture que nous avons utilisé comme une tribune, grâce à la mobilisation des associations et grâce à l'attitude des prévenus qui ont renversé les rôles. Nous mettons en difficulté une justice en décalage avec les mœurs, explique l'avocate Claude Dette-Hélény. Aux côtés du sénateur André Baudry, le directeur de la revue Arcadie est là aussi. Et ensemble, ils commentent la pétition de soutien aux accusés signée par Michel Foucault, André Glucksmann, Patrice Chéreau, Marguerite Duras, j'en passe. En somme, à l'exception du journal L'Humanité, pour qui l'homosexualité reste une déviance bourgeoise, apprécie l'amalgame, la presse fustige cette conception totalitaire de la sexualité française. Mais est-ce pour autant que les hommes du Manhattan seront disculpés? Pas certain. 2 semaines plus tard, le verdict tombe. 400 francs d'amende pour outrage public à la pudeur, sans inscription au casier judiciaire. Les gérants du club écopent, eux, d'une amende de 2000 francs. Un verdict, somme toute clément, mais qui, aux yeux de Michel Chomara, reste gênant. Parce que, en dépit de l'absurdité de l'accusation et malgré le battage médiatique, les accusés restent fautifs. Dans la foulée, on apprend que l'Assemblée ne vote pas la réforme proposée par le Sénat. La stupeur est totale. Elle explique aussi pourquoi la mobilisation ne faiblit pas. En cette fin des années 70, le thème de l'homosexualité s'invite partout. Oui, le thème, et non pas la question homosexuelle. Il n'y a pas de question homosexuelle, il y a une question homophobe. C'est différent. Et les journalistes ne laissent plus rien passer. Ils relaient les premiers états généraux de l'homosexualité qui se tiennent en 78, rue de Charonne à Paris. Puis ils s'offusquent de l'affaire du Crous de Marseille, qui refuse la location de ses locaux, membres de l'université d'été homosexuelle, et qui préfère louer aux témoins de Jéhovah. Enfin, en janvier 79, c'est au tour d'un club de rencontre de Saint-Étienne, le Lautréamont, de figurer dans le journal Le Monde, après que 4 adhérents ont été écroués pour avoir commis, je cite, « des actes impudiques contre nature ». Chaque occasion est bonne pour alerter les consciences. Alors, les mentalités évoluent-elles? Pas si vite. Pas pour tous, en tout cas. Dans François, en mai 79, sous la plume de Philippe Bouvard, on peut encore lire... Parce qu'ils ne se considèrent pas comme des malades. Les organisateurs du premier congrès international des homosexuels, qui se tiendra à la porte Maillot du 24 au 26 mai 1979, ne convieront pas à leur débat Madame Simone Veil, ministre de la Santé. En revanche, et parce qu'ils les considèrent comme leurs 3 autorités de tutelle, Alain Perfitte, ministre de la Justice, Christian Bonnet à l'Intérieur et Philippe Leca à la Culture seront officiellement invités. Le cardinal Marty, archevêque de Paris, recevra également 2 fauteuils d'orchestre, car André Baudry et ses amis du club Arcadie souhaiteraient lui demander des explications sur la position prise par l'Église à propos de ses amours qui ne peuvent contribuer, et pour cause, à la reproduction de l'espèce. Pas évident de calmer les railleries de la France populiste, mais les militants le savent, c'est une lame de fond qui se déploie, et il faut tenir bon. D'autant qu'en ce mois de janvier 1980, le GLH a été rejoint par un nouveau collectif, le CUARH, Comité d'urgence anti-répression homosexuelle. Et tous ont bon espoir, tous plaident pour la cause homo, comme ici en janvier 78, soit 3 mois après le procès du Manhattan, avec ce militant du GLH interrogé par France 3 Picardie. Il n'empêche que vous n'arriverez pas à convaincre les gens que l'homosexualité est une forme de sexualité normale et que les homosexuels ne sont pas une race à part. Ouais. Mais c'est pourtant bien ce qu'on voudrait faire expliquer, faire comprendre, faire admettre et encore plus faire accepter, au sens fort du terme, accueillir que l'homosexualité, c'est une forme de la sexualité humaine, une forme à part entière. Nous, on pense un peu que vis-à-vis de l'homosexualité, la société aujourd'hui est encore un peu folle. On pense qu'il faut que tout le monde puisse admettre que chaque individu a la libre disposition, enfin doit pouvoir bénéficier d'un droit à la libre disposition de son corps, un droit au bonheur. Et ça, on peut l'enlever à personne au nom d'aucun préjugé, au nom d'aucune morale, au nom d'aucune législation. Qu'en pense Michel Chomara ? Avec certains de ses co-accusés, il fait appel de la première décision de justice. Nouveau procès, nouvel espoir ? Hélas ! Quelques mois plus tard, en ouvrant les débats, le président du tribunal confie à l'assistant son étonnement. Faire appel alors que votre peine n'est même pas celle d'un client de prostituée du Bois de Boulogne, vraiment ? Le magistrat ne voit pas l'intérêt, ni le symbole qui pourtant est criant. Et il maintient l'amende. Scandale dans l'assistance. Alors Michel Chomara et deux de ses comparses, ils ne sont donc plus que trois, décident de se pourvoir en cassation. En vain, puisqu'une fois de plus, leur amende sera maintenue. Nous sommes alors au début de l'année 1981. Pour quelques mois encore, la France est giscardienne, comme le constate Michel au micro de France Culture dans l'émission LSD. Moi j'ai été arrêté en 77, j'ai été jugé en 78, j'ai fait appel et je suis allé, c'était en 79. Je me suis pourvu en cassation et le jugement est tombé en février 81, à 3 mois de l'élection de Tonton. Moi, je m'en suis bien sorti pour 1000 raisons. Mais le nombre de gens qui se sont suicidés, qui ont perdu leur emploi, leur logement, certains étaient bisexuels, donc et la famille, quand vous avez, surtout en province, une demi-page parce que vous avez été raflé dans les chiottes, vous êtes foutu. Et justement, et par exemple, il y a un clerc de notaire à Lyon qui a été arrêté en train de draguer sur les quais. Le lendemain ou sur le lendemain, une demi-page, il s'est suicidé. Je ne sais pas si... Le sexe tue. Le sexe tue, oui. Étrange épée de Damoclès. Quelques mois plus tard, sous les conseils de Robert Badinter et de Gisèle Halimi, François Mitterrand rayera l'homosexualité de la liste des fléaux sociaux et des maladies mentales. Dans la foulée, l'année 82 verra la suppression de sa pénalisation pour les plus de 15 ans. Il était temps. Pour les homosexuels, toutefois, la parenthèse enchantée ne durera que quelques mois. Bientôt, l'adversité ne viendra plus de la justice, mais du sida. Au micro de France Culture, c'est ainsi que Michel Chomara le résumera. Je me rappelle la couverture de Guépier à l'élection de François Mitterrand. C'était 7 ans de bonheur, avec un point d'interrogation. Ça n'a pas été cet autre bonheur. Le bonheur, il n'a duré que 3 ou 4 mois. Les gens ne peuvent pas se rendre compte. Les autorités étaient dépassées. L'Église nous disait « Vous êtes en train de périr par là où vous avez péché ». Les scientifiques étaient largués. J'ai vécu tout ça avec une telle violence. Heureusement, là encore, il y a eu 2 assos pour nous aider. D'abord Aide, puis est venu Act Up. Oui, des associations qui ont brillé par leur pugnacité, leur courage, autant par esprit communautaire que par humanité. Un modèle à qui nous avons déjà rendu hommage dans un autre numéro d'Affaires Sensibles. France Inter. Affaires Sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le procès des backrooms. Notre invité, Antoine Didier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, chercheur au CESDIP. Le CESDIP, c'est le centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et vous avez publié l'an dernier avec Philippe Pochep la BD Résistance Queer aux éditions La Découverte et Delcourt. Alors, le personnage qui anime notre récit et qui agit comme un fil rouge, c'est donc Michel Chomara. Je crois que vous le connaissez bien. Tout à fait, parce que non seulement j'ai écrit sur l'affaire du Manhattan et sur l'histoire de la dépénalisation, enfin de la répression, puis de ce qu'on a appelé la dépénalisation de l'homosexualité, mais par ailleurs, Michel est devenu un militant homosexuel suite à son arrestation et sa condamnation en 1977-78-80, et a créé un des premiers fonds d'archives en France dédié à l'histoire de l'homosexualité, conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon. Et j'ai beaucoup travaillé à partir de ce fonds, jusqu'à faire une exposition l'année dernière, à partir de ce fonds unique en France. Alors rappelons, parce que vous parlez de Lyon, que Michel Chaumarat est aussi devenu un acteur important de la vie politique de cette ville, aux côtés de Gérard Collomb à la mairie de Lyon. Il était chargé de mission mémoire jusqu'en 2013, mais aussi l'initiateur des premières assises nationales de la mémoire gay et lesbienne. Il a créé le premier fonds d'archives, comme vous le disiez, LGBT, que vous avez exposé avec lui donc en 2022 à la Bibliothèque nationale de Lyon. Est-il exact qu'il s'était déjà engagé en 75 en faveur des prostituées, de leur mouvement, qu'on a raconté d'ailleurs dans l'affaire Sensible? Oui, tout à fait. Au moment, en 1975, quand les prostituées lyonnaises occupent l'église Saint-Nizier et constituent ce qui est le premier mouvement de prostituées qui lutte contre la répression de l'homosexualité, Michel a participé à leur mouvement, en accrochant une affiche devant l'église en question, qui dénonçait la répression aussi de l'homosexualité. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Michel Chaumarat, c'est que c'est précisément le procès du Manhattan et ensuite l'épidémie du sida qui constituent les deux points de départ de son engagement militant. Il le dit lui-même, il était somme toute un homosexuel ordinaire avec une vie plutôt confortable, qui pouvait avoir une vie homosexuelle en dépit de la répression. Et puis soudain, cette arrestation en 1977, c'est un rappel à l'ordre et aussi une découverte de l'ampleur de la répression pénale, policière et judiciaire. Et le sida montre aussi l'ampleur de la mentalité à cette époque. Vous vous souvenez que certains parlaient du cancer gay? Tout à fait. C'était terrible. Tout terrible. À fait. Dans les premiers mois et premières années de l'épidémie. On reviendra sur les changements de mentalité quand même, parce qu'ils sont là, ils ont existé, faut pas le nier. Le combat n'est pas terminé, mais des progrès ont été réalisés. Alors, on revient à cette époque, en janvier 72, dans le sillage de mai 68, le Nouvel Obs titre « La révolution des homosexuels ». La même année, Guy Hockenheim, autre figure de proue du phare, publie, lui, le « Désir homosexuel ». Et tous comprennent, tous ces gens-là comprennent que leur combat doit évoluer sans les camarades marxistes qui les relèguent à une place subalterne. Pourquoi ? Parce que, pour plusieurs raisons, à la fois parce que la gauche, les mouvements de gauche communistes et gauchistes n'étaient pas étrangers à l'homophobie de la société, et que Guy Hockenheim et d'autres militants ont raconté comment ils devaient se cacher au sein des mouvements politiques auxquels ils appartenaient. Et puis par ailleurs, au moment où apparaît les premiers ferments d'une lutte homosexuelle, de même qu'au moment où apparaissent les débuts du mouvement féministe, les militants marxistes renvoient tant l'homosexualité ou l'homophobie que la situation faite aux femmes à une question secondaire qu'on réglera plus tard, une fois que la lutte des classes sera réglée, une fois que la révolution aura été accomplie. Donc il y a comme ça une manière de hiérarchiser un ensemble de luttes, un ensemble de questionnements, et de renvoyer certains problèmes à plus tard. Ailleurs. Et on a perdu du temps, parce qu'entre-temps, il y a eu des victimes. Tout à fait. Et d'où la constitution d'un ensemble de groupes qui s'autonomisent des mouvements marxistes, mouvements féministes et mouvements homosexuels en particulier. On peut rappeler qu'en 1968, en mai 68, des militants homosexuels dans la Sorbonne occupée tentent de constituer le CAPR, le Comité d'Action Pédérastique Révolutionnaire, et aussitôt leurs affiches... Pédérastique Révolutionnaire, vous avez bien entendu, et aussitôt leurs affiches sont arrachées par d'autres militants gauchistes qui occupent la Sorbonne. Donc ce qui donne bien le ton de l'époque, au moins dans les mouvements contestataires. France Inter. Affaires sensibles. Alors, il y a tout de même un paradoxe dans cette France des années 70 et 80. D'ailleurs, d'un côté, une législation qui reste très coercitive à l'encontre des homosexuels, et de l'autre, un développement important des bars gays, plus de 80, et des saunas pour hommes, une soixantaine dans la capitale. Ça me fait penser au débat sur le cannabis. C'est-à-dire que plus on réprime, plus on fume. c'est un peu la même chose, là, il y a une sorte d'hypocrisie. Et disons que c'est une constante hein, de l'histoire de l'homosexualité, dès la fin du 19e siècle, alors qu'il y a déjà une répression policière, médicale, psychiatrique, il y a déjà une sous-culture homosexuelle foisonnante, des bars, des bains de vapeur, une littérature, des publications. L'histoire de l'homosexualité, c'est à la fois une histoire de la répression, de la stigmatisation, mais aussi une histoire de la résistance, par des lieux, par des cultures, par des chansons, par des de l'argot, par des références littéraires et culturelles. Et de fait, hein, les années 70 n'échappent pas à cette règle, avec, qui plus est, comme vous l'avez décrit, cette effervescence politique et militante, précisément, hein, qui s'en prend à cette répression de l'homosexualité. Donc, il y a aussi, évidemment, une forme d'hypocrisie à ne pas voir, à ne pas vouloir voir que l'homosexualité existe, ou précisément, c'est parce que cette homosexualité existe et se fait plus visible que la répression est elle aussi plus forte. Alors, le sujet dont nous parlons est encore en résonance aujourd'hui. Mardi 30 janvier dernier, le Premier ministre Gabriel Attal a prononcé son discours de politique générale devant les députés, un discours qui s'est terminé par ces phrases qui ont mené à une standing ovation. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays où l'histoire s'écrit. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays qui n'a pas renoncé au progrès social, à protéger les droits de tous et surtout de toutes, et à en conquérir de nouveaux. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent, la preuve que nous n'avons aucune raison de céder à la fatalité. Qu'est-ce que ça vous inspire, Antoine Didier ? D'abord, un premier paradoxe, hein, c'est que le gouvernement que dirige Gabriel Attal compte en ses rangs un certain nombre d'homophobes notoires, hein, qui sont opposés au mariage pour tous, à un ensemble de transformations législatives, et qui continuent à s'opposer à ces transformations en faveur de davantage de droits pour les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes et les autres. Donc c'est un premier paradoxe. De fait, Gabriel Attal est le premier Premier ministre à se dire ouvertement homosexuel et à l'assumer publiquement, ce qui témoigne aussi hein, d'une transformation de la société. Quelque chose m'a frappé aussi, c'est que on a cessé de commenter son homosexualité, ce qui est typique hein, des homosexuels. Tout le monde parle en permanence de l'homosexualité des homosexuels. Comment devrait-il être? Comment devrait-il se comporter? Est-ce qu'il devrait être plus comme ci, plus comme ça? Vous parlez des hétéros, là. Des hétéros, ouais. Tout à fait. C'est ça l'homosexualité, c'est le discours des hétéros sur les homosexuels ou sur les lesbiennes. Et puis aussi, la question qui m'intéresse, c'est dans quelle mesure certains ont critiqué le fait que Gabriel Attal n'était pas un homosexuel militant, qu'il n'avait pas beaucoup combattu pour un certain nombre de droits, etc. Et plutôt que de poser la question à Gabriel Attal, à mon avis, la question doit plutôt être posée aux partis politiques. C'est-à-dire dans quelle mesure le fonctionnement du champ politique aujourd'hui, des partis, empêche l'émergence de personnalités ouvertement lesbiennes, ouvertement homosexuelles, ou dans quelle mesure ce coming out est toujours encadré par les partis politiques, par l'homophobie, par une certaine conception de la discrétion, etc. Est-ce que vous pensez que la cause homosexuelle aura vraiment gagné quand un Premier ministre ne se sentira pas obligé de dire qu'il est Premier ministre. Qu'il est homosexuel, vous voulez dire. Oui, bien sûr. Je ne sais pas. Oui, peut-être. En même temps, la visibilité est aussi quelque chose d'important, dans la mesure où c'est d'affirmer contre l'homophobie qui veut toujours renvoyer au silence, à l'invisibilisation, à la discrétion. Hein, c'est un discours homophobe. Je n'ai rien contre les homosexuels, mais ils n'ont pas besoin de faire tout ce tapage, ils n'ont pas besoin de s'afficher, etc. Donc la visibilité, le coming out, a été et est encore une arme politique. D'accord. L'homophobie existe encore, évidemment. Il y a eu vraiment des progrès. Qu'est-ce qui vous paraît le plus manifeste en termes de progrès déjà ? Et on verra justement ce qui n'a pas évolué. Bah, la répression de l'homosexualité a disparu au début des années 80. Le Pax a été adopté à la fin des années 90. Les discours homophobes ne sont plus tolérés sur la place publique, ou en tout cas. Ou encore de manière atténuée, dans le sens où au moment du mariage pour tous, on a vu des psychanalystes, des juristes continuer hein, à déverser ce discours homophobe. Donc en fait, quand on parle de progrès, ce qu'il faut voir, c'est que c'est plutôt un déplacement des structures, c'est-à-dire un certain nombre de choses qui n'étaient pas possibles sont possibles, et en même temps, il y a toujours des résistances très fortes. Alors là, je suis plutôt dans les points négatifs, peut-être votre question suivante, mais par exemple, toutes les campagnes anti-trans aujourd'hui, toutes les campagnes transphobes sont extrêmement fortes, qui visent en particulier les jeunes individus trans, les adolescents ou les jeunes adultes, sur la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes ou pour les personnes trans. C'est loin d'être encore ça. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que dans certains milieux, l'homophobie frappe plus que dans d'autres milieux ? Vous qui êtes sociologue. Elle frappe différemment selon les milieux. On voudrait voir l'homophobie comme typique des classes populaires, par exemple, ou typique de certains groupes sociaux. Mmh. Au moment du mariage pour tous, c'était plutôt la bourgeoisie catholique qui était dans les rues. Donc c'est des formes différenciées, spécifiques d'homophobie selon les groupes sociaux. Donc surtout pas d'amalgame non plus sur ce terrain-là. Hein. Tout à fait. Bien, merci infiniment Antoine Didier. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le procès des Backrooms, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Romain Leborgne.